Vous écoutez ? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes CKRL 89.1 sur le poste radio, une aventure qu'on peut aussi écouter sur l'ordi ou au téléphone à ckrl.qc.ca sur la toile. Gaëtan Gosselin au microphone, un plaisir de vous retrouver. Alors, vous savez ça, dans le monde de la musique, on est assez versé sur les genres musicaux, les styles, bon, le classique, le néoclassique, le rock, le punk rock, le funk, le dark wave, le hip-hop. Bon, bien sûr, j'en passe, évidemment, parce qu'à regarder ça sur le web, des genres, on en retrouve des centaines. Et c'est en préparant l'émission de ce soir qui porte sur des créations en musique électronique, que je me suis demandé, mais de quelle musique électronique s'agit-il, sachant que certains compositeurs, compositrices se retrouvent dans le monde des musiques électroniques dites populaires et que d'autres compositeurs, compositrices de musique électronique sont dans des réseaux de diffusion beaucoup plus marginaux comme dans celui des arts sonores que la croche-oreille met en lumière. Vous savez ça. Faut d'abord se rappeler que la source sonore de toutes les musiques électroniques est essentiellement issue de l'électricité. Contrairement au son des instruments acoustiques qui sont issus de la percussion, du sifflement ou encore du frottement. On s'entend cependant pour dire qu'avec le temps, les pratiques électroniques de la musique se sont distinguées en deux courants prédominants. Bon, la musique électronique d'une part et la musique électroacoustique parallèlement. Donc, on va parler de musique électronique quand il s'agit de musique dont les structures mélodiques et rythmiques sont relativement classiques. On les retrouve dans les événements festifs ou encore les événements de nature sociale et on les nomme parfois musique techno, le house, le cold wave, le dubstep et puis là aussi, j'en passe bien des catégories. La musique électroacoustique serait quant à elle, plutôt académique, axée sur la manipulation et la composition de sons enregistrés à l'aide d'équipements électroniques, parfois fait maison. C'est une musique d'expérimentation que l'on rattache à l'exploration de concepts sonores, de lutherie expérimentale et de rendus qui s'éloignent des rythmiques et des harmonies dites traditionnelles. Cela dit, bien que ces deux courants de musique, là, l'électronique et l'électroacoustique, exploitent des approches et des esthétiques fort différentes, on va se balader ce soir entre ces deux familles depuis une compilation de musique électronique canadienne lancée par le label Unexplained Sound Group. Mais pour débuter l'émission, on va écouter un magnifique projet de l'artiste et musicien danois Mark Calloway, un projet intitulé « Machine nocturne » qui met justement en perspective cette frontière sonore pas toujours nette entre les sonorités acoustiques et les sonorités issues de l'électricité. Alors on écoute ça, une première pièce de Mark Calloway, « Nocturnal Machine ». comment dire, musique emballante, enveloppante. C'était Nocturnal Machine, Machine Nocturne du Danois Mark Calloway, un artiste sonore réputé qui a réalisé de nombreux albums de musique électronique au cours des 20 dernières années. Des musiques qui combinent des enregistrements, des fragments de musique variés, bon, des synthés, vous les avez entendus, des échantillonneurs. Son projet intitulé Machine Nocturne, Calloway raconte avoir toujours été fasciné par le flou des frontières entre l'acoustique et l'électricité, le réel et l'artificiel. Pour moi, dit-il, cela est étroitement lié aux heures qu'on passe du jour à la nuit, où la relation entre la vue et le son devient incertaine. Pendant que les boîtes à rythme évoquent des battements d'ailes, le chant des oiseaux fait penser à celui des synthétiseurs. Tout cela évoque des souvenirs très précis, dit Calloway, un voyage de nuit en train, un passage au-devant d'un marché public désert, assorti de petites lumières colorées, et les lueurs jaunâtres d'un aquarium rempli de plantes aquatiques, les lumières clignotantes d'un chantier de construction. Bon, alors on écoute un deuxième extrait, intitulé cette fois dans le ton, là c'est dans le ton, ça s'intitule « Lanterne au pluriel » et c'est tiré de ce bel album intitulé « Nocturnal Machine ». Thank you. C'était Lanterne, tiré de l'album Machine Nocturne de Mark Calloway, artiste danois. Et ce que raconte Mark sur son projet est vraiment éclairant sur sa démarche d'exploration artistique et électronique. J'ouvre les guillemets, il dit ceci. Le point de départ de l'album a été une série de croquis rythmiques pensés pour la machine à rythme semi-modulaire. Bon, la marque, c'est une Pulsar 23 pour les experts. Alors, Pulsar 23, dit-il, je voulais explorer rythmes et textures en combinant ce matériel à des explorations de mon ami Mike au piano préparé, piano modifié avec des vis, des amortisseurs et des petits moteurs dans les cordes. D'autres séances d'enregistrement instrumental ont fourni le climat jazzy du saxophone. Bref, tout ça pour créer un sentiment de rêverie vaguement abstraite autour des 8 paysages nocturnes de cet album. Je referme les guillemets. On écoute cette fois un extrait d'une création intitulée cette fois Night Drift. C'est tiré de l'album Nocturnal Machine de Mark Calloway. Voilà ce qui complète la demi avec l'artiste sonore, musicien danois Mark Calloway, que je salue en passant et remercie de nous avoir transmis ces pièces. Alors, restez des nôtres, on poursuit ça, cette excursion en musique électronique et électroacoustique avec une compilation canadienne, gracieuseté de mon collègue italien Raphaël Pezzella, animateur du label Unexplained Sound Group. Alors voilà, à tout de suite. CKRL 89.1, la radio qui vous ressemble. Musique, culture, conversation, tout ce qui nourrit votre esprit curieux. CKRL 89.1. Vous écoutez l'accroche-oreille. Eh bien, on est de retour. Vous écoutez la croche-oreille sur les ondes de CKRL de 89.1. Gaëtan Gosselin au microphone. On se retrouve ce soir dans l'univers des musiques électroniques dont on cherche une définition unifiante, unitaire, chose, vous le savez bien, sans doute impossible compte tenu des décalages esthétiques ou encore artistiques qui séparent les genres et les styles de ce qui concerne notamment les musiques dites électroniques et les musiques dites électro. acoustique. Bon, quoi qu'il en soit, on va s'en remettre à leur source électrique commune pour les regrouper, les réconcilier ce soir. Et je vous propose donc qu'on écoute en seconde demi des extraits d'une belle compilation intitulée Anthology of Experimental Music from Canada. Bon, un projet d'anthologie de Raphaël Pezzella qui mène l'ambitieuse mission de brosser des portraits territoriaux des musiques expérimentales, et il fait ça de par le monde. Il s'est arrêté au Canada en 2024 pour ce projet qui regroupe, selon la critique, une délicieuse palette de styles musicaux et d'esthétiques fournie par 15 artistes talentueux, ça c'est vrai, proposant de la sono atmosphérique qui va de l'électro-acoustique à l'électro-dance music. Et on débute ça avec une création de Michael Trummer. C'est une création intitulée 53 mots pour la neige. Michael Trummer est un artiste sonore et vidéaste de Toronto. Il a d'abord attiré l'attention pour ses enregistrements hors normes, sortis de nulle part, un peu champ gauche, dirait-on. Depuis le début des années 2000, sa pratique s'est concentrée sur des explorations de l'espace, du son spatialisé ou encore du son sensible, tactile. Il s'est intéressé aussi à la réalité virtuelle, installation immersive et puis cinéma. Alors voilà, on écoute cette création intitulée 53 mots pour la neige. je vous propose maintenant, et c'est toujours tiré de cette anthologie de musique expérimentale canadienne lancée par Unexplained Sound Group, je vous propose une création d'un duo ontarien formé d'Alex Barry et de Jasmine Landau. Duo qui s'appelle Au vol, formé à l'été de 2007. L'ensemble est une collaboration longue distance, disent-ils, qui a pour projet de juxtaposer sur le plan sonore, l'artificiel et le naturel, le numérique et l'analogique. Au vol invente des musiques électroniques expérimentales suffisamment sereines, dit-on, pour être méditatives et assez agressives pour nous faire oublier les rêveries les plus profondes. Ce qu'on va écouter est tout de même assez ludique, vous verrez, enjoué. Ça s'intitule « Seascapes for Ellen Frankenthaler ». Alors, on écoute ça. Vous écoutez La Croche-Oreille sur CKRL et je vous présente ce soir des créations tirées d'une anthologie canadienne de musique électronique expérimentale, un projet mené par le label Unexplained Sound Group, label piloté par Raphaël Pezzella. C'est un commissaire artiste sonore italien. Et on écoute cette fois une création peuplée de voix, vous verrez, de phonographie et de saxophone d'ambiance. Ça s'intitule Ecoradia, projet mené par Kelly Root et Alison Balsettis, qui forment un ensemble depuis 5 ou 6 ans. Ils sont installés à Edmonton et développent ensemble une pratique improvisée, vaguement, disent-elle, structurée, utilisant des microphones de contact et des pédales d'effet pour manœuvrer un métier à tisser. Les créations de Kelly Root prennent la forme de performances assez originales, j'imagine, avec ce métier. La pratique d'Alison Balsettis, pour sa part, est plutôt du côté de la création de musique de chambre, tout autant composée qu'improvisée. Pour le saxophone. En tout cas, c'est un duo qui nous offre des créations assez intéressantes. Alors, on va écouter Bioluminescence, projet de ce duo qui s'intitule Ecoradia. Alors, on écoute ça. très belle création du duo Echo Radia. Je vous présente maintenant une création du compositeur Richard Bégin, un gars de la région de Québec qui est professeur de cinéma à l'Université de Montréal. Je vous ai déjà présenté son travail. Je le salue d'ailleurs, Richard. Un travail très inspiré par les musiques électroniques. Et pour résumer son travail, je dirais que sa démarche porte notamment sur l'imaginaire associé aux désastres et aux catastrophes. Les œuvres de Richard Bégin se situent entre la musique concrète et la musique post-industrielle, vous verrez. Et on écoute ce soir une création intitulée « Notions élémentaires de correspondance ». C'est tiré, encore une fois, de cette anthologie canadienne de musique électronique expérimentale du label Unexplained Sound Group. Alors, musique de Richard Bégin. Et bien voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie des artistes Alison Balsettis, Alex Barry, Richard Bégin, Marc Yortoy, Marc Calloway, Jasmine Landau, Michael Trummer et Kelly Root. Grand merci à toutes et tous de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres que l'on retrouve, pour la plupart, sur la plateforme Bandcamp. Grand merci à Raphaël Pezzella du label Unexplained Sound Group de nous avoir transmis ce bel album, cette belle anthologie de musique canadienne expérimentale. Cela dit, vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site Lacroche-Oreille. On termine la soirée sur une création de Marc Yortoy, un artiste multidisciplinaire de la côte ouest du Canada. Je résume, évidemment, Marc s'intéresse aux univers sonores sombres, des paysans et d'inspiration cinématographique. Ben voilà, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore. Voilà, depuis les studios de CKRL dans le quartier Limoilou à Québec, au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.